Nous allons avoir le temps de discuter puisque nous devons nous arrêter à 12h20 à peu près et donc il est 11h30. Nous avons largement le temps de prendre une première série de questions si vous le voulez bien, une première série de réponses et puis si nous avons le temps ensuite, eh bien nous recommencerons une seconde fois. Di Barbara, je voudrais faire une, poser une question à Giovanna. Je voudrais savoir les sources sur lesquelles vous avez travaillé pour votre relation. Merci. Céline Lesourd, juste une précision auprès de Giovanna. Les mariages étaient plutôt contractés avec des femmes de confession orthodoxe ou avec des femmes de confession musulmane. Enfin, quel genre de... Voilà. Sarah, firstly, I apologize if either of these questions or both were things I missed in translation, but for a first one, I was wondering, you said at some point that, I think you said, that there might have been some... Oh, can you... Do you need your thing sorry. Up? Okay. It doesn't work. Okay, I think at some point you were talking about how there may have been some sexual freedom, sexual liberty involved on both sides... Change. Okay, we got it now? Okay, I think at some point you said there may have been some sexual freedom, sexual liberty involved in these partnerships on both sides, maybe, I think. And so I was wondering, I didn't get how these women often met for men, because at first I was understanding that it was through alliances, sort of, that were maybe made between... two communities or between the men and the community, and then there was some running away maybe sometimes of the women. So I was wondering, did I get that right, that you said that sometimes there were some sexual freedom involved in these women choosing rather than having arranged marriages? No? Okay. Okay. And then my question for Giovanna was, I was very interested in the temporary marriage concept and where that came from and what, you know, what the rules regulating it were. Was this, I think you said that the rules started to fall apart at some point, it started to degenerate. So I'm wondering before that, how are these rules regulated? I'm partly interested because in my work I'm studying a thing called temporary marriage in Shia Islamic law. And so I'm wondering if there's any connection between that. I know there are Islamic connections to Ethiopia. Is that on? Is that working? Okay. First, thank you for such interesting papers. And if I could ask a couple of sort of specific things and then a general thought which anybody might want to respond to. In the case of the paper on the New Hebrides, can I ask, you talked about how the women operated between their indigenous societies and the incomers, and negotiated or helped to make various alliances and recruiting for labour and so on. You didn't say anything about the role of men in the indigenous communities. Are these communities in which elders have power, in which particular groups of men have power, and how did that factor, and how did women deal with that? In the case of the paper on the Horn of Africa, can I ask if the political and ethnic and local divisions in the Horn, Somalis, people from Tigray, Ethiopians, Eritreans, played a role in any of this cross-cultural, cross-racial, if you want to call it that, partnerships and how they were seen? Mm-hmm. And my general point is this, and it kind of links the presentations before our Woods Café, and afterwards, and that is, it would be interesting to have a discussion about how the categories of marriage, concubinage, sex work, and this word prostitution, which I now have to say I find very difficult to use because I think it carries too much cultural baggage, yeah. and that we as historians should be analysing how people used it in the past, perhaps rather than simply accepting it ourselves. It seems to me that there are a variety of situations in colonial systems where women from indigenous subject communities form relationships with men, perhaps also same-sex. I was really pleased that there was a question about same-sex connections, because that's hardly been talked about. And that there are a variety of situations in which the exchange of money or goods or protection also take place, some of which might come under the headings concubinage or marriage, some of which might come under the headings sex work, sex trading. Mm-hmm. And I'm just wondering what kind of a vocabulary we need. And as I say, my own argument, which I'm very happy to hear rejected, is that we need to stand back from the words, the terms, the understandings of people at the time. Not because they're not important, but because we need to unpack and evaluate how they work and how they were used, which indeed the papers really did. So that's just a thought that other people here might want to respond to. Thank you. Une dernière question pour le premier tour. Oui, bonjour. J'ai une question pour Virginie Rioux. Si j'ai bien compris, les unions entre les hommes européens et les femmes mélanésiennes étaient souvent suivies d'une union avec les femmes européennes. Oui. Alors, je suis curieuse, qui étaient ces femmes européennes? Comment est-ce qu'elles vivaient? Parce qu'au final, ça revenait à une sorte de polygamie. Donc, c'est quand même peu commun. Si vous pouvez donner un petit peu plus d'informations sur ça, si vous avez des informations, bien sûr. Merci. Alors, moi, je m'autorise à poser une question. Donc, tu as très rapidement parlé des lois ségrégatives, mais sans nous dire exactement quand est-ce qu'elles ont été implantées, par qui, et qu'est-ce qu'elles couvraient comme territoire. J'imagine que c'est le même que celui que tu as indiqué. Et ensuite, est-ce qu'il y avait, dans ce contexte-là, évidemment, il y avait des enfants métis, quel statut avait-il, à quelle société appartenait-il, est-ce qu'ils étaient reconnus par les pères blancs ou pas? La question de l'enfant métis, c'est toujours une question très intéressante, évidemment. Donc, chronologiquement, Virginie d'abord et Giovanna ensuite. Oui, et le micro, c'est mieux. Alors, en ce qui concerne les libertés sexuelles, comme je l'ai dit, au niveau des sociétés du Vanuatu, de libertés sexuelles, globalement, il y en a peu. Hors mariage. Maintenant, effectivement, les femmes ont pour rôle traditionnel de créer des alliances. Ça se fait habituellement sous le contrôle des hommes. Sauf que, voilà, on a comme ça un certain nombre de cas où ce sont les femmes qui sont allées vers d'autres alliés, enfin vers d'autres personnes, pour nouer de nouvelles alliances. Voilà. Alors, dans le cas des Européens, ces rencontres, je pense, se sont faites par le truchement, souvent, du travail en plantation. Alors, en particulier, lorsqu'elles travaillaient, évidemment, pour les planteurs, ça pouvait être en tant que cuisinière, etc., etc. Alors, pour ce qui est... Je ne sais pas si je réponds vraiment à tout. Autant que faire se peut, comme tu dis. Alors, effectivement, les catégories de mariage, de concubinage, de relations sexuelles, y compris au sein des nouvelles hébrides, on a un panel qui est extrêmement large. Bien sûr, des cas de prostitution, en plantation, mais aussi, comme je l'ai un peu évoqué, la plantation a offert la possibilité pour certaines femmes et également pour certains hommes de choisir leur partenaire, puisque les mariages étaient arrangés, j'insiste, aussi bien du côté des hommes que des femmes, hein, même si ça n'est jamais présenté de cette façon-là. Voilà, après, bon, bah, dans le cas des unions que j'ai évoquées, ce sont effectivement des mariages entre guillemets guillemets, traditionnelle, à savoir qu'il y a communément un prix de la fiancée, alors qui ne renvoie pas du tout à un achat de la femme en question. Ce qui sont échangés à chaque fois, ce sont les alliances qui sont nouées entre les différents partenaires. Je crois qu'il y avait une question sur la polygamie, je m'en souviens absolument plus. Ah oui, pour les hommes. Alors bah, là, il y a eu aussi, c'est vraiment au cas par cas que ça se joue. Bon, il faut savoir qu'au départ, il y a un taux de concubinage. Bon, c'est difficile de. On n'a pas de chiffres réels, hein, puisque ces femmes étaient invisibles. Mais disons qu'on sait, par les entretiens, etc., qu'il y avait beaucoup plus, de toute façon, de couples mixtes en dehors du chef-lieu. Alors bon, c'est pas très clair déjà là, parce qu'on se demande, c'est pas si simple, est-ce que c'est un choix du côté de l'Européen, est-ce que c'est un choix social ou réellement un choix plus personnel. Bon, c'est pas évident, parce qu'il y a une pression extrêmement forte, de toute façon, du groupe des Blancs, qui est extrêmement minoritaire, pour que ces femmes ne soient pas reconnues, du moins qu'il n'y ait pas de mariage légal du côté français. Alors bon, après, comment ça s'est passé? Bah oui, il y a le classique ménage à trois, avec les femmes. Il faut savoir qu'une plantation, c'est la taille d'un village, hein. Donc le planteur, effectivement, pouvait avoir une femme indonésienne, une femme européenne, voire d'autres maîtresses, hein. Alors après, ça n'a pas forcément, il y a eu bien entendu des cas de conflit, pas forcément non plus. Il faut savoir que du côté des européennes, elles venaient principalement de Nouvelle-Calédonie, qui est la colonie française la plus proche. Or, dans ces femmes, il y avait aussi un certain nombre de descendantes de bagnards qui étaient extrêmement stigmatisées du côté de la Nouvelle-Calédonie et qui ne l'étaient pas aux Nouvelles-Hébrides, tout simplement parce qu'il y avait quand même un manque de femmes blanches. Bon, donc il y avait, si vous voulez, des arrangements comme ça, et c'est vraiment au cas par cas. Hein, on ne peut, la relation pouvait durer, elle n'impliquait pas forcément qu'il y ait une continuité au niveau de la relation sexuelle non plus. De toute façon, une fois que le mariage est noué de manière traditionnelle, c'est-à-dire une fois que les liens d'échange, enfin je veux dire les cérémonies au niveau des échanges ont noué les liens sont a priori indestructibles. Voilà. Et puis on est dans des relations avant tout politiques et économiques. Alors, les lois ségrégatives, oui. Alors, les lois ségrégatives, alors, bon, le condominium, effectivement, c'est une situation coloniale, dans la mesure où, au niveau juridique, on a bien étanchéité totale. En revanche, ce n'est pas une colonie, puisqu'il n'y a pas de droit de souveraineté. Du coup, les indigènes sont définis par leur race, qui est extrêmement rare, de race océanienne, et de manière négative, c'est-à-dire en opposition avec les sujets britanniques et les citoyens français. Les lois sont faites par décret, ça passe par Nouméa, qui est la colonie la plus proche. En fait, d'un point de vue juridique, les Français des Nouvelles-Hébrides sont assimilés aux Français de Nouvelle-Calédonie, réciproquement pour les Anglais qui sont assimilés à des Anglais de Fidji, colonie britannique la plus proche. Bon, en ce qui concerne les donc lois ségrégatives, bon, étanchéité, en fait, d'un point de vue juridique, elles sont mises en place en 1906. Alors, et puis, au fur et à mesure, tu vois, au niveau des décrets, ça se fait peu à peu. Par exemple, il y a des interdictions de circulation, bon, qui sont extrêmement difficiles à maintenir, puisque ils n'ont aucun contrôle. Et puis surtout également parce que les indigènes avaient eux aussi des embarcations, donc pouvaient circuler. Donc il y a cet aspect-là. Loi ségrégative, donc comme je disais, il tombait finalement sous le coup de la loi, soit britannique, soit française, en tant que main-d'œuvre. Voilà. C'est une sorte de code de l'indigénat qui s'applique ? C'est pas un code de l'indigénat. On est vraiment dans la réglementation internationale de la main-d'œuvre de l'époque, si tu veux. Tout à fait exceptionnel de ce point de vue, de ce point de vue-là. Alors pour ce qui est des enfants métis, les enfants métis n'existent pas dans la mesure où soit un enfant est incorporé du côté blanc, il a une éducation blanche et en général il est coupé de sa parentèle mélanésienne, soit il est inclus effectivement dans le groupe de sa mère et il parle une langue vernaculaire. C'est pareil, il est assimilé à un enfant mélanésien. Alors bon, on a beaucoup parlé de... Parce que ce sont en fait... Bon, la colonisation des Nouvelles-Égrées s'est beaucoup greffée sur celle de la Nouvelle-Calédonie, tout simplement parce que beaucoup de Français provenaient de Nouvelle-Calédonie aussi. Alors, on a beaucoup glosé sur le côté très, très sympathique des sociétés mélanésiennes qui accueillaient tous les enfants. Bon, je crois que c'est pas si simple que ça. On sait que donc quand les enfants étaient adoptés du côté européen, ils ne revenaient pas du côté mélanésien, etc. Donc ça, c'est tiré. La couleur de peau n'a pas d'importance, sauf qu'elle se voit évidemment les phénotypes. Donc c'est assez curieux. Mais je dirais pour quelqu'un d'extérieur, parce que pour eux, non, c'est pas un problème. Bon, maintenant, alors il y a une catégorie. La question que je suis en train de me poser, c'est qu'il y a quand même une grosse catégorie d'enfants, il n'y a pas de chiffres, qui étaient les enfants naturels des planteurs, qui n'ont pas été forcément reconnus, que sont-ils devenus ? Voilà. En sachant que les pratiques des deux groupes faisaient que, a priori, il n'y a pas de compétences métisses. Les deux groupes n'ont pas voulu de métisses. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais pour l'instant, il faudrait que je retourne sur le terrain pour en savoir un peu plus. Thinking maybe of answering in English because I think English-speaking audience maybe didn't pick up. Well, I was talking too fast. Do you mind? That's okay. Okay. My sources. Well, of course, you're familiar with Julia Barrera's work and Barbara Solgoni. You wrote your campus. You worked on colonial concubinage in Eritrea. I'm the one who interrogated the Ethiopian case because there is no literature on it. By studying this scholars, also Pankhurst gives us some information. But then I conducted interviews in Italy and in Ethiopia. In Ethiopia, thanks to a French research grant. And I presented this work in 2009, not really this work, but something, you know, close, the Conference of Ethiopian Studies, which exposed me to, you know, historians of Ethiopia, and was appreciated. And it's about to come out, to be published in Germany. And, the French book, Fabienne Leroux, which has been it's not really, not many people worked on this book. She did these interviews in the 90s in Addis Abeba and elsewhere in Ethiopia with this lost subaltern Italians. And I thought that, you know, putting together the work done on the Eritrean case and this work done by Fabienne Leroux on the lost subaltern Italians and, you know, integrating this with interviews today would have been interesting. I actually had the opportunity to meet a madama, which is a word that, you know, is a controversial word, as somebody in the room said, who was 90 years old. I met her 2 years ago, and that was also very, very interesting. Then I went to Pavia to meet her Italian Ethiopian family. That would be taken too long. So I don't know. Did I answer your question? Yes. Yeah. So this three question about Christian women, temporary marriage, and they all go together. I mean, let's use on the Abyssinian plateau, because I mean it's a bit of a colonial category, but just in Amhara speaking, Tigrinya speaking, Ethiopian, Eritrea, the local population is mostly Orthodox, Copt, Christian. There is a Muslim minority that's growing bigger. Colonial sources, as I said, Alberto Pollero in particular, who had two madames, stress the fact that Abyssinian Christian women were particularly apt to become partners of Italians because of their Semitic ancestry. And here we hit the Italian anthropological literature, because there was the construction of Mediterranean Africa that was operating at the end of 19th century at the beginning of the 20th century through the work mostly of Giuseppe Sergi and the notion of Homo Eurafricano, there is this huge literature there. And I think it's very important to put together the anthropological discourse and the actual practices in the colony to have a wider picture, because another element that's extremely important to study Italian colonialism and colonial life is the fact that Italy was very, self-representation was very much marked by the dualistic theorization of the Southern question, with Gramsci as the most famous author, but you know, a huge debate. So the problem of the other inside the country, the peasant with the land from southern Italy, who ideally was sent to the colony, especially to Ethiopia in the 30s, to find land in Jimma on the plateau. Actually, he didn't find land there and stayed lost in Ethiopia after World War II. And I'm sorry, I'm sort of generalizing here, but yeah, I'm just throwing some information to the audience. And Damas, yeah, was associated with urban people. The temporary marriage was associated mostly with urban populations, traders and warriors far from home, but it was pertinent also to Christian communities, travelers and traders. And as I said, today it's considered, it's in decline, it's considered almost a form of prostitution. And as I said, Barrera says that this is due to the fact that Italians abused temporary marriage, but I'm not too sure. It's also maybe a local process of changing costumes and considering temporary marriage too much of a traditional, archaic, I don't know. I don't really know, but I can provide some bibliographic sources if you need. And then the vocabulary. That's a big issue. And first of all, in Ethiopia, I mean, where I conducted interviews, the word marriage, I don't speak Amharic. I have, because I'm very much into Italian studies. So this is a side, I'm a specialist of representations of African Italian literature, and since the erotic aspect is so important, I also conducted few research on this topic. And from my interviews I conducted in Ethiopia, and from what also Pankhurst told me, the term marriage or husband or wife is very open. So not as strict as it could be for an Italian man. So this also posed problems and questions, as you rightly said, because in many cases the Italian men would perceive or wouldn't call these women wives, while the women would call their partners my husband. So, of course, there is a huge problem there. But I also remember interviewing a lady in Harar who would call her husband when, you know, sometimes the word master would come out from her mouth. But at the same time, she would be telling me that they used to go sometimes to the movies together, which was, after the Second World War, going to the movie in Italy was really the social thing to do with your fiancé. So that's why Madamato is interesting, because all categories are sort of, you know, unsteady, and that's why it's so interesting, in my opinion. Did I answer all the questions? Yes. Thank you. Alors, je propose que nous fassions un deuxième tour de questions, mais beaucoup plus rapide que le précédent, bien évidemment, et avec des réponses beaucoup plus succinctes. Évidemment, parce que si les questions sont courtes, les réponses doivent l'être aussi. Ah bah oui, c'est comme ça. I'm so sorry. Bonjour, je suis Beauvou, la fille d'Isson du CEDREF. C'est en tant en fait que sociologue-anthropologue que je voulais apporter un petit peu une contribution, donc ça sera surtout sous forme de remarques, sur la question des différentes catégories du mariage, du concubinage, etc. En vous signalant un ouvrage très important, vous connaissez sans doute l'anthropologue féministe italienne Paola Tabette et son ouvrage donc de 2004, La Grande Arnaque, où elle a théorisé, à mon avis, de façon essentielle et très importante, la notion d'échange économico-sexuel. Et qu'elle décrit donc sur un continuum qui va de la prostitution au mariage, et où elle explique toutes les femmes, selon en général donc, tous les contextes, on va dire, historiques et jusqu'à aujourd'hui, sont souvent prises dans leur union matrimoniale et sexuelle, dans des relations économiques, où elles finalement adoptent des stratégies qui vont de la prostitution au mariage, puisqu'elle estime que même le contrat matrimonial pour l'épouse consiste à offrir des services sexuels, affectifs et domestiques en échange d'une protection économique et sociale. Voilà. Et je pense que pour les historiennes, les historiens et autres qui sont ici, je pense que cette notion est très très importante, oui, et qu'elle vrai. Peut s'appliquer, à mon avis, à toutes les catégories que vous avez décrites. Qui vont finalement à la prostitution, à l'union matrimoniale, qu'elle soit reconnue ou pas reconnue selon telle ou telle autorité et selon les contextes historiques. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? My God. Là. Merci. Donc, à nouveau, alors c'est pour peut-être aller un tout petit peu plus loin sur ce qui vient d'être dit, avec quoi je suis plutôt d'accord. Et l'exemple que je vais donner à la fois corrobore ce qui vient d'être dit, mais aussi peut-être amène certaines nuances. Je pense aux travaux d'une collègue qui a travaillé sur l'histoire des femmes en Ashanti, au Ghana, qui est Jean Holman. Et elle a interviewé un certain nombre de femmes âgées en leur demandant quels étaient leurs parcours de vie, à la fois sur des questions économiques et sur des questions, disons, privées. Et l'une de ces femmes, de ces informatrices, lui a dit à un moment, lorsque Jean Holman lui demandait quel est votre statut actuel, êtes-vous toujours mariée? C'était ça qui était entendu dans la question. Cette femme a répondu, oh, I'm retired from marriage. Et ça, c'est une très belle expression, parce que ça ramène effectivement le mariage à quelque chose de professionnel. Hein, voilà. Mais en même temps, donc ça corrobore tout à fait ce que vous dites, et en même temps, c'est elle qui a pris sa retraite, d'accord ? Donc c'est quand même son autonomie à elle, lui a permis de s'extraire à un moment de cette union. Voilà, elle n'a pas été répudiée, c'était sa marge de manœuvre à elle dans cette configuration-là. Donc ça, je trouve que c'est un très joli exemple pour corroborer un peu tout ça, et pour nous amener effectivement, je pense, à réfléchir plus précisément comme l'a dit une intervenante tout à l'heure, sur les catégories que nous utilisons, hein, avec évidemment toutes les valeurs qui sont charriées par ces catégories, comme le mariage, la prostitution, etc. Si je peux ajouter une autre anecdote dans un autre champ qui est le mien. Il y a quelques années, jeune doctorante, je demande à rencontrer Germaine Tillon, parce que je voulais lui poser un certain nombre de questions sur les femmes libres des Aurès, sur les Asriates, sur lesquelles, bien évidemment, comme anthropologue, elle avait beaucoup travaillé. Et j'étais toujours étonnée, mais ce n'est pas vraiment étonnant, parce que, comme vous le savez, Germaine Tillon a perdu une partie de son travail ethnographique qui lui a été évidemment confisquée par les Allemands pendant la guerre. Donc une partie de ses notes de la première période ont totalement disparu. Et j'étais toujours étonnée de voir qu'elle parlait assez peu finalement des femmes, d'une manière qui me paraissait un peu étonnante. Donc je la rencontre, je lui pose la question et je lui dis « Mais madame Germaine, pourquoi est-ce que vous ne dites jamais rien sur les femmes libres des Aurès, leur relations sexuelles ?» Bon, elle me dit « Ça ne m'intéresse pas tellement. » Bon, très bien. Et puis à un moment, elle me dit « Mais de toute façon, ces femmes étaient toujours... Elles investiguaient... En fait, elle me parlait des relations sexuelles libres de ces femmes, qui n'étaient jamais des femmes célibataires, qui étaient des femmes qui avaient déjà été mariées, qui avaient été soit répudiées, soit qui étaient veuves, ou qui étaient séparées. » Elle me disait « Mais la société, finalement, aurésienne, tolère qu'elles investiguent pour trouver un mari. » Mais alors elle me dit « L'investigation peut être assez longue. » Et elles peuvent investiguer beaucoup d'hommes. Et j'avais là aussi trouvé ça très intéressant, parce que finalement, ces femmes étaient justement dans cet entre-deux de catégories qui n'étaient pas du tout socialement stigmatisées, parce que ça se faisait au vu et au su de tout le monde, bien évidemment. Et il était évidemment tout à fait improbable qu'aucune de ces femmes ne soit jamais traitée comme prostituée, hein, parce que nous n'étions pas du tout dans ce type de registre. Et pourtant, elles étaient dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une forme de multipartenariat hors mariage, hein. Donc voilà, c'était juste pour dans un autre champ et sur une autre ère apporter un autre témoignage. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques, ou alors est-ce que nous clôturons ? Alors si nous clôturons, j'ai juste deux ou trois petites choses à ajouter. La première, c'est que hier il manquait trois casques, un dans cette salle, deux dans l'autre, donc ils ne sont pas consommables en dehors de cette salle, donc ne les emportez pas avec vous. Faites attention que vous ne les avez pas mis par mégarde dans vos sacs, etc. Nous sommes soumises à une amende si tous les casques ne sont pas replacés. Et d'autre part, pour celles et ceux, j'espère peu nombreux, qui ne pourraient pas être là plus tard dans la journée, je vous rappelle que pour les intervenants et intervenantes dont nous avons à rembourser des billets, parce que vous auriez avancé l'argent, il faut absolument que vous conserviez les billets ou les cartes d'embarquement s'il s'agit de billets d'avion. Vous nous les renverrez par la poste lorsque vous serez rentré chez vous, et dans un délai que nous espérons raisonnable, nos institutions pourront vous rembourser ce qui a été prévu. Voilà, on vous redira tout ça ce soir, mais pour le cas où vous ne seriez pas là ce soir, merci beaucoup. Merci à nos intervenantes qui nous ont proposé de communication.